devient chair les derniers jours pour sauver l'homme car il l'aime. Poussé par son amour, il fait l'œuvre d'aujourd'hui. Ceci est basé sur l'amour. Dieu devient chair. Endure cette douleur encore et encore. Il révèle son amour incommensurable. Dieu ne veut qu'aucune âme ne soit perdue. L'homme se moque de ce que sera son avenir. L'homme ne sait comment chérir. Difficilement.